Merci, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus. Pour ce, presque tout le monde est déjà venu, mais s'il y a quelqu'un qui veut des renseignements sur Sierra, on pourra discuter. D'abord, on trouve un verre et puis après, on est dans la salle, on pourra vous donner tous les renseignements sur Sierra. Donc aujourd'hui, donc, on organise presque chaque mois des causeries. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Françoise Fontanelli-Morel, qui va nous parler des Italiens, des anarchistes italiens qui ont séjourné à Marseille et ailleurs entre les deux guerres. Et elle connaît très bien son geste, c'est pour ça qu'elle en parle, et surtout elle a passé des années sur ses temps de loisirs et pour, comment dire ça, je ne sais pas, pour le plaisir et puis pour la, pas pour la gloire en tout cas. Elle a écrit une thèse qu'elle a soutenue il n'y a pas très longtemps, c'était en 2016. Avec Tony, on est assisté d'ailleurs, et donc cette thèse s'appelle Pio Turoni et le mouvement anarchiste italien en exil en France durant l'entre-deux-guerres, de l'engagement individuel à la mobilisation collective. Donc ça se passait à Aix, à la maison des sciences. À la MMSH. Ouais. Voilà. Et Françoise fait partie d'un laboratoire qui s'appelle TELEM. Alors ça, TELEM, ça veut dire. Temps, espace, langage, Méditerranée et. Donc il y a de l'histoire. En gros, il y a de l'histoire, des langues, il y a de l'histoire, de la littérature, et voilà, de la géographie. Il y a de la géographie. Donc c'est des gens qui font quand même. Bon, c'est tout un. À la fois des profs et puis des gens associés. Françoise est associée à l'équipe. Et puis, bah voilà. Hein. Sinon, oui, elle a fait cette thèse, mais par ailleurs, elle travaille dans l'enseignement. Et voilà. Donc, je te laisse la parole. Mais bonsoir, merci d'être venu aussi. J'ai une naturelle à la dispersion, donc j'ai un peu de mal à m'écarter de mes notes, sinon ça part dans tous les sens. J'espère que ça sera pas trop limitant. Donc, ce soir, je voulais vous. Alors, je ne sais pas trop comment aborder le sujet. Moi, j'avais envie de parler des anarchistes italiens. J'avais envie de ne pas trop parler de Pio Turoni, parce qu'il a quand même occupé ma vie pendant 5 ou 6 ans. Donc, j'avais déjà travaillé sur les comités pour de défense pour les victimes politiques, et je trouvais que c'était plutôt une bonne entrée pour parler de l'anarchisme italien à Marseille dans l'entre-deux-guerres. La solidarité et l'entraide sont au cœur du mouvement anarchiste italien en exil, au point que l'on a pu penser que l'œuvre d'assistance de ces comités était centrale, pour ne pas dire unique. Par le rayonnement de ces comités, leur diffusion sur le territoire européen et jusqu'aux États-Unis, hein, puisque des groupes gravitent autour de la Donata dei Fratelli à New York, pour le lien qu'ils se sont efforcés de maintenir entre les militaires épars, et le mouvement resté en Italie, ils ont recréé le tissu connectif et sont allés bien au-delà de l'œuvre d'assistance. On peut dire qu'ils furent la véritable colonne vertébrale du mouvement. Ces comités constituent, de mon point de vue, je l'ai déjà dit, une assez bonne entrée pour l'étude de la diaspora libertaire italienne. Surtout pour une approche collective, ils permettent de mettre en relief la circulation des hommes, la circulation des idées et de l'argent nécessaire au maintien de la lutte et de la survie du mouvement en exil. De leur création au congrès de Bologne en 1920, enfin, moi en tout cas je la date de 1920, jusqu'à l'épisode tragique de 1940, hein, qui voit l'extinction ou en tout cas la mise en sommeil du mouvement et la dispersion des militants, certains grâce à la clandestinité, s'ils ne l'étaient pas déjà, d'autres rentrent dans la résistance. Pour certains, c'est une nouvelle phase d'exil qui se manque pour beaucoup d'entre eux et la déportation pour les autres. Les comités sont étroitement liés à l'histoire du mouvement libertaire italien en exil. Et après leur transfert à l'étranger et à Marseille en particulier, enfin, en tout cas moi c'est ce que je connais le mieux, ils épousent les contours de la lutte et s'adaptent à leur nouvel environnement. On verra notamment comment les relations qu'ils entretiennent avec les militaires locaux, parce qu'ils ne militent pas seuls dans leur coin, hein, on peut dire qu'ils s'insèrent sur le terrain social et syndical à Marseille, et surtout leur rapport au mouvement local, qui est loin d'être négligeable. Étudier ces comités dans le cadre marseillais me semblait une évidence, bon, au-delà des aspects purement personnels qui font que j'ai choisi Marseille comme cadre de cette étude. D'abord, la position géographique de la ville, combinée aux récents événements politiques, là je pense à 36, et une longue histoire entre Marseille et son immigration italienne. En effet, depuis 1936, depuis juillet 36, Marseille est place de choix dans la lutte antifasciste. Elle est devenue un centre d'enrôlement pour les volontaires du monde entier depuis le déclenchement de la guerre civile et bénéficie désormais d'une position à mi-chemin entre l'Italie et la péninsule ibérique. Marseille fait également figure de plaque tournante de l'assistance, comme l'a très bien démontré Valentin Chomini dans ses travaux sur la solidarité internationale antifasciste, et aussi avec la tenue successive de deux congrès libertaires qui se déroulent à Marseille. Elle est considérée comme un point de référence pour les anarchistes et les autres formations politiques. Pour mémoire, la ville accueille le Congrès national de la FAI, la Fédérazione Anarchica Italiana, les 25 et 26 décembre 1937, qui réunit et qui draine les anarchistes italiens de toute l'Europe, ainsi que le Comité national de l'UEAI, l'Unione Anarchica Italiana, les 24 et 25 septembre 1938. Enfin, même si c'est un positif, Marseille est une ville portuaire au centre d'un va-et-vient incessant de marchandises, d'hommes venus de tout horizon. Ses activités industrielles sont essentiellement tournées vers la transformation des matières premières qu'elle importe ou qui transitent sur les quais et font d'elle un important réservoir de main-d'œuvre. Les riseries, les minoteries, les fabriques de savon, Marseille emploie beaucoup d'étrangers. Je crois qu'il est important surtout de ne pas déconnecter l'immigration politique de l'immigration de travail. Elles sont très fortement liées, en tout cas de mon point de vue, et cela vaut aussi pour toutes les autres familles politiques de l'exil italien, puisque les anarchistes ne sont pas seuls, on a des gélistes, des socialistes. Un exilé politique, c'est aussi un travailleur qui doit s'insérer dans le bassin d'emploi, et son terrain de lutte premier, c'est le chantier sur lequel il partage des idées, des expériences et des combats. Et là, on va voir si ça marche. Tu peux dire ce que c'est les gélistes ? Les gélistes, pardon, c'est les membres d'une petite minorité proche du mouvement anarchiste Justitia et Libertà, dont l'un des chefs de file avait vécu quelques années à Marseille dans les années entre 1939 et 1940, Emilio Lussu et sa femme Joyce Lussu, moins connue mais écrivaine. Marseille semble avoir été aussi une ville relativement active, si l'on en croit la production de journaux anarchistes. Bon, alors là, tout à fait à titre indicatif, je me suis amusée à recenser les publications libertaires de langue italienne qui étaient parues à Marseille dans l'entre-deux-guerres. Durant l'entre-deux-guerres, la presse libertaire de langue italienne en France représente 57 périodiques, ce qui est quand même relativement significatif si l'on considère que pour la même période, la presse libertaire italienne ne compte que deux organes en Espagne, deux en Suisse, deux en Tunisie, un seul en Belgique et en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, évidemment, elle produit une trentaine de titres, mais sur un territoire beaucoup plus étendu. L'importance numérique de ces publications s'explique par le fait que pendant longtemps, et à l'absence d'organisation régionale ou nationale, les périodiques anarchistes ont peu tenu lieu de centres d'information et de coordination entre les groupes. La presse, comme les organisations, et là pour le coup on est en plein dans les comités, la presse comme les associations et les organisations politiques subit en Italie une très grande répression à partir du début des années 20. La constitution de groupe s'accompagne souvent d'un organe de presse qui lui permettra de communiquer avec les autres militants, mais aussi de passer le relais avec les autres groupes en Italie et dans les autres pays d'accueil. Le cas marseillais, de ce point de vue assez significatif, il y a 13 périodiques de langue italienne à Marseille qui paraissent dans l'entre-deux-guerres. Alors évidemment, tous n'ont pas la longévité, pour ceux qui connaissent, de l'Adunata e dei Fratelli, qui paraît pendant plus de 60 ans à New York, ou il Risveglio Anarchico de Genève. 5 d'entre eux sont des numéros uniques. Aux 5 premiers, qui sont des organes publiés par Paolo Schicchi. Je ne m'étendrai pas sur la figure de Paolo Schicchi, parce que ça serait une confabulation. Une des caractéristiques du mouvement libertaire, et pas seulement italien, c'est sa relation à la presse écrite. Je vous renvoie aux travaux de Franco Schironi sur la presse anarchiste et antifasciste qui ont montré que le mouvement anarchiste représente en termes de journaux publiés la première force politique devant le PCI et le PSI, le Parti communiste italien et le Parti socialiste italien. La presse constituait elle seule un sujet sur lequel il y aurait beaucoup à dire. Vous remarquerez, c'est là son importance, que les fonctions de gérance sont, enfin, là pour le coup on ne le voit pas parce que c'est dans la deuxième partie du tableau, sont souvent occupées par des militants français, hein, surtout après 1938, après février 1938, puisque le décret loi Daladier interdit les associations et leur interdit la gérance de journaux. La presse est une des sources incontournables à croiser avec d'autres, bien sûr. Je fais un petit clin d'œil à René Bianco parce que c'est quand même qui m'a mis sur la piste. Il doit y avoir 30 ans. La presse libertaire regorge de tous ces petits comptes rendus financiers. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà vu, je vous montrerai après. Donc tous ces petits comptes rendus financiers ou ces listes de souscriptions, de comités ou de journaux qui indiquent le nom, le lieu, le montant du don. Alors, parfois sont même indiquées l'appartenance au groupe. Et ainsi, en croisant les informations et en épluchant toute la presse, c'est-à-dire pas rien pour l'entre-deux-guerres compte tenu de la production, il est possible de reconstituer le parcours de ces militants et leur trajectoire. C'est une population qui est extrêmement mobile. Bon, d'abord parce qu'elle est clandestine en grande majorité et ensuite parce qu'ils sont en quête d'emploi et se déplacent souvent au gré des chantiers. La corporation du bâtiment est majoritaire. Alors, pas parce qu'ils sont tous maçons, mais parce que quand on est sans papier et qu'on cherche du travail, on trouve plus facilement sur les chantiers que dans les administrations. Ce soir, j'évoquerai que deux comités, il y en a eu plusieurs qui ont fonctionné à Marseille. J'évoquerai brièvement le profil des carcerati politici, parce qu'il est l'un des premiers à avoir fonctionné à Marseille. Alors, il a fonctionné entre 1925 et 1928, et ensuite, j'essaierai d'évoquer plus longuement le comité anarchico pro vittime politique, qui, lui, a fonctionné dans la fin des années 30, parce qu'il est le dernier, et surtout, c'est celui sur lequel je dispose du plus grand nombre de documents. Plus ponctuellement ont aussi fonctionné des comités pour la défense des victimes politiques de Sicile entre 1925 et 1926, le Pro Cochancic et Fort Nazari, qui sont des comités qui ont été créés autour de deux condamnés, deux accusés, Cochancic et Fort Nazari. Fort Nazari était républicain, ont monté un attentat contre la Casa d'Italia à Aubagne en 1932. Donc un comité avait été formé pour récolter des fonds et payer les frais d'avocat. À l'origine des comités, je remonte brièvement en Italie, les premiers comités apparaissent à la fin de l'année 1919. Enfin, en tout cas, je pense que c'est à la fin de l'année 1919. C'est grâce aux travaux notamment du militant Ugo Fedeli et une série d'articles qu'il avait écrits dans les années 60, Nella clandestinità, que l'on connaît un peu le mieux le fonctionnement de ces comités et surtout leur genèse. Ces structures d'assistance qui avaient vu le jour en Italie avec la nécessité de venir en aide aux prisonniers politiques qui se multipliaient, connaissent une accélération sous le règne de Mussolini, sévèrement réprimé, le mouvement libertaire italien, ses organes de presse et ses comités sont contraints de passer à la clandestinité, puis de s'exiler quand la pression devient trop importante. Les comités sont donc transférés en France, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, en fait, dans tous les endroits où la communauté libertaire italienne est importante, et ce transfert assure la continuité du mouvement sans quasi aucune interruption dans l'activité des groupes. Le comité Profili dei Carcerati fonctionnera à Marseille à partir de mai 1925, après son transfert depuis Milan, auprès d'un groupe d'anarchistes toscans qui était installé à la Capelette. Après les premières condamnations, s'était posé le problème du devenir des enfants de prisonniers. Il fallait absolument les soustraire aux institutions catholiques et fascistes. Et dans ce comité, nous trouverons entre autres à des personnalités assez éclectiques. Alors, Domenico Zavattero, pour toutes, je vais citer énormément de noms de militants italiens connus, moins connus, je vous invite à aller consulter le Maurizio Antonioli, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas trouvé. Le dictionnaire. Ouais, le dictionnaire biographique du mouvement libertaire italien. En deux, où la plupart dont je parle ont une notice biographique. Alors après, il y a eu des compléments en 2014 dans le dictionnaire du mouvement libertaire francophone, hein, qui est une version anarchiste du métron. Donc, on trouve des personnalités comme Domenico Zavatte, donc, qui est arrivé à Marseille en janvier 1914. Il est secrétaire au commissariat général à l'immigration jusqu'en 1927, après son licenciement pour antifascisme. Sa spécialité, il semblerait qu'il ait fourni de faux papiers aux militants de passage, sans qu'on ait bien trop plus d'explications. Les deux principaux animateurs semblent avoir été le couple que forment Dario Castellani, que l'on retrouvera dans les années 30 aussi, et Fosca Korsinov, dont le domicile du 72 boulevard de la Corderie a accueilli de nombreux réfugiés clandestins. Les adresses, c'est important parce qu'en fait, on se rend compte que tout au long de l'entre-deux-guerres, les vagues successives de militants occupent les mêmes adresses. Parce qu'en fait, il y a un turnover incroyable, au gré des condamnations. On retrouve des personnalités comme Gino Bani, qui passe au communisme à la fin des années 30, dont le pseudonyme est Andrea del Vertice. Il écrit dans la presse locale, il a très peu écrit. Bon, après, on trouve aussi des pseudonymes qu'à ce jour, je n'ai toujours pas identifiés. Il Solitario di Sant'Elenzo, sans doute un originaire de Ligurie. C'est une petite localité proche de l'Elici, les Chiquetelles, pour ceux qui marchent. Ugo Boccardi, quelqu'un de beaucoup plus connu dans le mouvement, qui est originaire de Sarzane. Depuis, j'ai pu y rattacher Gino Bacconi. Il aura pris toutes les identités. C'est Giulio Bacconi, pardon. Que l'on retrouve tout au long des années 30. L'usage du pseudonyme est très répandu, ça ne facilite pas vraiment l'identification des militants, y compris dans la PVS. D'autres militants de passage, je pourrais en citer plein et je voudrais ne pas en oublier parce qu'on pourrait croire que le mouvement était Borghini Bruno, Cherissi Antonio. Du côté français, nous trouvons Léopold Faure. C'est un libertaire marseillais que certains connaissent parmi vous. Il a participé, je crois qu'il est dans les années 1927, ça a été le premier candidat abstentionniste, je ne sais plus dans quelle circonscription. Donc Léopold Faure est jusqu'au début des années 30 le gérant de journaux et de comités italiens. Mais c'est lui qui assure le pénal en cas de difficulté. Alors, bien que le comité commence à fonctionner à Marseille à partir du mois de 1925, il semblerait que la distribution des secours aux familles, parce qu'en fait c'était ça, c'est le secours aux familles des prisonniers politiques et des enfants, est toujours assurée par les compagnons de Milan, au moins jusqu'en octobre 1926. Donc Marseille a sans doute été plutôt le centre de la propagande et de la récolte des fonds. Un travail dont on ne trouve pas trace évidemment dans les archives italiennes et locales, enfin là je parle des archives de la police, mais dans la presse libertaire de langue italienne publiée en Suisse notamment, je pense à Luis Velio Anarchico, et sur le territoire français, se fait l'écho. Je ne donne pas de leçon, je vous renvoie à la consultation du Bettini, qui est un outil très utile et qui s'est efforcé de répertorier et surtout de localiser dans tous les centres de documentation européens toute la presse libertaire de langue italienne. Donc c'est très pratique après quand on doit consulter les collections parce que curieusement, aucun de ces 13 titres ne sont conservés à Marseille. En tout cas, je pense qu'il y a un exemplaire d'El Boletino ou de La Lanterna au Sira, mais sinon il faut sillonner France et Navarre, j'allais presque dire, parce qu'il y a, la collection est extrêmement dispersée. Donc il y a peu de comptes rendus financiers. Le seul dont on a connaissance a été publié par Lola Nostra. Donc voilà, un compte rendu financier, c'est ça, c'est pas très lisible. Donc d'un côté, vous avez les entrées. Donc voilà, là j'ai mis entrée entre le 22 mai. Ah, mais peut-être que ça sera plus simple si je le dis. Entrée entre le 22 mai et le 7 juillet 1928, où sont répertoriés le nom de tous les donateurs. Parfois la ville depuis laquelle ils donnent. Donc c'est ce qui est intéressant. Alors c'est un travail de fourmi. Et ensuite, où chit et les sorties, c'est-à-dire toutes les dépenses. Alors des fois c'est très détaillé, des fois pas du tout. En tout cas, tous les comptes rendus financiers sont publics et sont publiés dans la presse. Alors, ils ne sont pas toujours publiés dans leur intégralité, hein, pour des raisons de sécurité évidentes. Certains gomment les noms. Ou bon, après, il y a aussi le problème de la place. Dans les colonnes de. Parce que ça peut prendre, il y a des numéros entiers qui sont consacrés aux listes de souscription des comités et des journaux. Donc le seul compte rendu qu'on ait trouvé a été publié dans Lora Nostra. Lora Nostra, c'est un bulletin mensuel qui compte trois numéros, paru les 27 janvier, 27 février, 27 juillet 1928. Bon, fondée à l'initiative du groupe de Tosca, on ne sait pas trop. Enfin, on sait que collabore Giulio Bacconi, Sabatino Gambetti, mais après, la plupart des articles sont anonymes. Donc, le journal et le comité partagent les mêmes locaux. Par contre, le journal est administrativement indépendant, enfin, en tout cas, je pense. Et pour faire vivre le périodique et alimenter les caisses, ce qui n'est pas très facile, du comité, deux listes de souscription permanentes, je vais y arriver, avaient été mises en circulation. Donc, une semaine, une liste de souscription pour le comité, profil, et la semaine d'après, c'était la liste de souscription pour financer le Ranostre. C'est aussi dans le cadre de ce comité que se développeront, mais bon, je ne vais pas m'attarder, les activités du groupe artistique international. Bon, dommage parce que c'est à peu près les deux seules affiches que j'ai pu trouver sur ces fêtes organisées par les comités. Donc en fait, régulièrement, ils organisent des fêtes dominicales et cette troupe de théâtre qui était encore animée par ces Toscans de la Belle de Mai, enfin, habitant à la Belle de Mai, mais militant à la Capelette, donne des spectacles en faveur des prisonniers politiques. Le choix du second comité répond à plusieurs raisons. Hein. L'une de ses principales raisons, évidemment, c'est que le principal animateur de ce comité, c'est Pio Turoni, c'est un militant qui vient, qui a consacré une thèse en 2016. À ce jour, c'est le comité sur lequel je dispose du plus grand nombre de sources et de documents qui permettent de reconstituer l'activité et le fonctionnement. Alors même si on a une petite idée de la façon dont fonctionnent les autres comités, je pense que c'est le seul comité pour lequel on soit rentré autant dans les détails. Il semble, pour ma part, il semble avoir été particulièrement actif et son étude a mis au jour un véritable réseau d'entraide, d'assistance qui se déploie localement sur Marseille et environ, mais au-delà avec des intermédiaires dans le sud-ouest de la France et des sources de financement provenant de l'étranger. Un comité, ben, comme tous les autres comités, dont la survie financière repose essentiellement sur les dons des militants, qui laisse apparaître une circulation de fonds au niveau local, national et international. Son étude a également permis de démontrer comment circulent les hommes, l'argent et les idées dans un mouvement où l'argent a fait cruellement défaut tout au long de son histoire. La figure emblématique de Pio Turoni, c'est d'ailleurs de l'étude de ces comités qui a émergé cette figure, et c'est pour ça que je me suis intéressée à lui. Il fait partie de ces militants qui émergent de l'action collective. Alors j'ai choisi Pio Turoni, mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi travailler sur Giulio Bacconi. Il sera omniprésent dans le développement qui va suivre, même si j'essaie de me désintoxiquer. Il est essentiel de s'interroger sur les sources, par contre. Les activités clandestines de ces comités, de celui-ci en particulier, n'ont laissé aucune trace dans les archives de la police locale. Rien aux archives départementales et très peu dans les archives italiennes conservées à Rome. La reconstitution du fonctionnement de l'activité de cette structure intégralement dédiée à l'assistance a été menée à partir de différentes sources. Bon, tout d'abord, les documents internes au comité, dont une partie est conservée à Amsterdam. C'est un peu pour vous donner, ça peut être un peu pénible, mais c'est un peu pour vous donner l'ordre d'idée, un ordre d'idée sur le périple qu'il a fallu effectuer pour récupérer les sources, des comptes rendus financiers qui sont publiés pour la plupart dans la Dunata dei Refrattari de New York et le Risveglia Anarchico de Genève. Donc, toute la collection n'est pas conservée à Marseille, elle est conservée à Pise. La presse libertaire de langue italienne, hein, il y a 57 publications sur le territoire français, donc toutes font état de comptes rendus financiers, de listes de souscription. Et surtout les déclarations de Turoni lors de ses différents interrogatoires, ainsi que son propre témoignage. C'est le croisement de toute cette documentation, et dans toute sa diversité, qui a permis de faire émerger les éléments nécessaires à la compréhension du fonctionnement de ce comité. Lors de son interrogatoire du 15 novembre 1939, Pio Turoni l'évoque en ces termes. Bon, pour mémoire, Pio Turoni a été arrêté le 13 novembre 1939 pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il est entendu le 15 novembre par la police marseillaise après qu'ils aient perquisitionné son domicile et saisi ses documents. Atteinte à la sûreté intérieure de l'État, la police de la correspondance, puisque la correspondance est filtrée et censurée, a intercepté un relevé de compte que Luigi Bertoni en Suisse avait fait parvenir à Pio, à Marseille. Il présente le comité en ces termes, mais évidemment, il y a aussi des quelques pincettes et quelques réserves à émettre. Le comité de secours antifasciste a été créé à Marseille en février dernier, donc en février 1938, après la débâcle espagnole, par moi, Chauvet, Étienne et Jérôme Limetti Ferrucci. Le français, pas terrible, mais il s'exprime en français, hein. Il parlait quand même quatre langues. Ces deux derniers sont comme moi des ouvriers du bâtiment et ont combattu en Espagne comme volontaires. Pour ramasser des fonds, chacun de nous a fait appel à ses amis et ses relations politiques. On sent bien que là, il y a quand même une volonté de minimiser les responsabilités. Nous avons d'abord reçu des effets, puis de l'argent. C'est moi qui gardais les fonds et le tout était distribué aux nécessiteux des camps de concentration. Depuis la mobilisation générale, nous avons cessé toute activité et la dernière correspondance échangée avec Bertoni à Genève concernait le règlement de la liquidation. L'une des sources qui donne la vision la plus juste du comité reste l'évocation qu'en fait Louis Mercier-Véga, je ne sais pas si vous avez lu l'ouvrage La chevauchée anonyme, ou d'un belge. Et contre toute attente, le Mario, c'est un des personnages principaux, enfin le personnage principal en fait c'est Parrain, c'est un peu autobiographique. Contre toute attente, le Mario de Mercier-Véga est loin d'être un personnage de fiction que l'auteur aurait pu rendre plus romanesque. La plupart des faits et des événements qui sont relatés ont un ancrage très fort dans la réalité. Mario est un hommage à Pio Turone. Et Parrain le décrit ainsi. Mario, c'était la solidité. Un lit toujours des faits, une table avec des journaux et des restes de repas, deux chaises, jamais de lettres, déchirées ou brûlées, aussitôt que lues et retenues, des dizaines d'adresses en mémoire, la certitude que la situation était désespérée, qu'elle ne pouvait qu'empirer, et une volonté constante de tenir. À partir de mai 1938, les condamnations et les expulsions se multiplient, touchant de plein fouet les libertaires. Pour un grand nombre d'entre eux, la clandestinité devient le mode de vie dominant, quand ce n'était pas déjà le cas. C'est à l'issue du congrès de l'UAI, qui se tient donc en septembre 1938, que le passage de l'organisation dans la clandestinité est décidé. Pio Turone et ses compagnons marseillais sont donc chargés de gérer l'assistance et la communication avec les libertaires italiens et les espagnols qui sont internés dans les camps des Pyrénées-Orientales. Je ne ferai volontairement pas de distinction entre camp de concentration et camp d'internement, parce que quand on l'a vécu de l'intérieur, je pense que la différence n'est pas très notable. Le comité... Le comité mentionné pour la première fois dans les sources en juillet 1938, mais il a sans doute vu le jour aux alentours du mois d'avril. Les premiers comptes rendus financiers dont nous disposons datent de septembre 1938, et Frédéric Lambert, dont je n'ai pas pu trouver de photos et sur lequel je n'ai que très peu d'informations, c'est même pas un militant très connu, en tout cas fiché sur Marseille, semble avoir été le responsable français de ce comité. Sa présence au sein du comité est confirmée par Toulogne, mais les traces de son activité sont assez fugaces. En janvier 1939, la Donata dei Ritrattari, qui avait publié l'adresse et le nom de tous les responsables des comités italiens, le mentionne. Et nous découvrons alors l'identité d'un second responsable, qui lui, pour le coup, est plus connu, enfin, qui est plus connu. Étienne Chauvet, qui aurait également fait fonctionner ce comité anarchiste. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Étienne Chauvet est le compagnon de lutte de René Arru. Ils travaillent d'ailleurs ensemble en 1943. C'est André. C'est André, exact. Donc, deux adresses sont données pour le même comité. Je ne pense pas qu'il y ait eu deux comités. Après, il faut toute proportion garder. Je pense que deux adresses, c'est peut-être pour induire la police en erreur, qui, comme moi, lit la presse anarchiste pour identifier les militants. Donc, on retrouve la présence de Jérôme Limetti Ferrucci. Alors, on sait qu'il s'installe à Marseille après la guerre d'Espagne, qu'il se réfugie à Liège, en Belgique, en mai 1939. Je pense que Toulon, il le sait hors d'atteinte au moment où il est interrogé. Je pense qu'il donne son nom. Je ne suis pas sûre qu'il ait eu un grand rôle dans le comité. Après, c'est une supposition. Parmi les membres connus de ce comité, enfin, connus, identifiés, on trouve six Italiens, Jules Falcone, qui a déjà fonctionné dans les années 20 avec d'autres comités, Renato Castagnoli, Umberto Cecotti, Italo del Proposto, qui a déjà occupé des fonctions de trésorier à Paris dans les comités, Ferruccio Girolimetti, je le mets vraiment entre guillemets, et Pio Turone. Du côté français, Étienne Chauvet, donc, Marcel Grégory, qui est un Italien, qui est un Français de parents italiens, naturalisé français, pardon, un Italien naturalisé français, je vais y arriver, et Frédéric Lambert. Ce sont des militants proches de Pio, qu'il côtoie sur les chantiers, dans le cadre d'activités militantes. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, sont des familiers de l'organisation libertaire. Ils ont déjà travaillé au sein des comités, participé à l'élaboration de feuilles de propagande. C'est le cas notamment de Giulio Bacconi, qui est très actif un peu avant la guerre, le début de la guerre d'Espagne. Il est très actif dans l'enrôlement des volontaires. Renato Castagnol et tous sont... Et tous ces militants sont rompus à la clandestinité, c'est ce qui explique aussi qu'ils aient très peu de visibilité dans la documentation. Il est par ailleurs évident que des militants, d'autres militants ont participé aux opérations, donc ça ne serait pas possible autrement, compte tenu de la charge de travail qu'ils ont eu à mener. Giulio Bacconi, et Marcel Grégory sont présents à Marseille depuis le début des années 20, ils ont déjà collaboré à la presse militante, Bacconi à l'Ora Nostra en 28, puis ensemble au Bollettino d'Informazione dell'Unione Anarchica Italiana en 38-39, et encore dans le comité Cacerati. Italo De Proposto et Renato Castagnoli arrivent beaucoup plus tard à Marseille. D'abord, ils sont clandestins tous les deux, depuis le début des années 30. Je ne me rappelle plus pourquoi ils sont condamnés, mais en tout cas, ils n'ont pas de papier. Ils ont déjà assumé des responsabilités dans le cadre des comités, notamment dans l'organisation de la propagande parisienne. Et durant l'été 1933, Proposto, qui séjourne à Paris clandestinement, est chargé du comité de correspondance pour le comité pro-vitimé politique de Paris. Castagnol, quant à lui, collabore dès 1925 avec Camillo Bernet, et c'est d'ailleurs lui qui est chargé de publier ses opuscules et ses articles. Il collabore régulièrement dans le combat syndicaliste, l'Espagne antifasciste, Yves Martel de New York ou la Donata. Expulsé du territoire français en 1934, c'est à partir de cette date-là que lui et son épouse mènent une vie clandestine, y compris après son retour d'Espagne, où il s'installe à Marseille. Tous ces militants ont participé à la guerre d'Espagne, sous des formes différentes. Certains ont combattu, d'autres ont facilité l'enrôlement. Comme Bacconi, tous ont récolté des formes. Proposto fait partie du groupe Spirou de la Colonna Scasso. Castagnol a été employé par le syndicat des chemins de ferroviaires de la CNT à Portbou pour réorganiser le service de chemin de fer et le service des télécommunications. Et il fait partie de la rédaction de Guerra di Classe à partir de 1937 aux côtés de Bernet. Tout l'homme sur lequel je passe rapidement a lui combattu dans la Scasso et la colonne Ortiz. Il existe sans doute d'autres militants, c'est évident. Beaucoup de militants ont gravité autour de ce comité, bon, ne serait-ce que pour avoir reçu l'assistance. À titre d'exemple, alors évidemment, ça correspond aux activités de Pio Turone. J'avais envie de montrer qu'en fait, d'une part, ce sont des militants qui ont, en tout cas pour ceux qui ont un emploi déclaré, qui ont des vies sur le chantier des journées extrêmement harassantes. Donc tout ce qui est en bleu, ce sont les entreprises pour lesquelles il a travaillé, donc en plus des grosses entreprises hein, comme la Cimex dans les années 30. Et tout le reste, ce sont toutes les activités clandestines. Donc activités clandestines et officielles se côtoient sur une période de 2 ans. Alors certes, Toulon y a préparé 3 attentats ratés, évidemment, sinon on aurait entendu parler contre Mussolini. Dans le cadre du comité de défense pour les victimes politiques, ben, il a à la fois assuré les fonctions. Alors, quand je dis assuré, il n'est pas seul. C'est juste que j'ai pas réussi à identifier tous les militants, mais je suppose que les journées de Joule ou de Bacon sont à peu près identiques. Donc c'est quelqu'un qui se rend plusieurs fois par mois à Perpignan, dans le cadre de l'assistance des camps des Pyrénées-Orientales. Ça permet de voir un peu à l'œuvre le quotidien d'un militant, puisque finalement on ne voit ces militants que sous l'angle soit de la militante, soit de... Toutes ces activités, cependant, ont un point commun, elles sont portées par des travailleurs. une grande majorité de ces militants travaillent de bâtiment. Il y a même une coopérative édilice, une coopérative du bâtiment clandestine qui a fonctionné entre 1930 et 1940 et qui permettait à des Italiens sans papier, des libertaires italiens, je pense qu'il y a eu des giélistes aussi, des membres de Justice et Libertà et des Républicains qui ont travaillé dans cette coopérative, de travailler et d'avoir des papiers en règle. Une existence qui ne laisse pas beaucoup de place à une vie personnelle. Ce sont souvent des militants qui se déplacent seuls. Bon, Castagnol y est marié, sa femme sera internée avec lui en 1940. Alors, on n'arrive pas trop à voir quelle est la part de, quelle est la part d'activité de sa femme. Ben, comme souvent dans les archives, les femmes sont quasi absentes, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne font rien. Bacon, lui, est marié, il a un enfant. Beaucoup de ces militants donc, se déplacent seuls. Il faut également souligner la forte endogamie. Toulon y vit quelques années avec Nara Cremonini, qui est issue d'une famille d'anarchistes italiens réfugiés en région parisienne. Bacon y a épousé la sœur d'Albino Zazzeri, un libertaire livournais. On reste beaucoup dans l'entre-soi. Bon, essentiellement pour des questions de sécurité, je pense que c'est un réflexe de survie. Et encore que pour la petite histoire, Cremonini, Bernardo Cremonini, qui est le beau-père de Toulon, y était un des informateurs numéro 1 de l'OMRA, bien qu'étant à la tête du mouvement anarchiste parisien. L'autre point commun de toutes ces activités sont en relation avec le secours et l'assistance à Espagne. Donc le comité de défense pour les victimes politiques, le CECI, le comité d'expansion commerciale internationale, j'y reviendrai, la SIA, la CNTFI. La fonction des deux Français est également très importante. La plupart des démarches officielles se font à leur nom propre. À ma connaissance, en mai 39, aucun des militants italiens n'avait été inquiété ou identifié par la police, pas même par la police italienne. Donc, ces militants français, moi je ne veux pas employer le nom de, je veux pas employer le mot de prête-nom, mais en tout cas, étaient utilisés dans toutes les démarches officielles, la location de chambres pour accueillir les réfugiés, de boîtes postales. En revanche, il semblerait qu'il n'ait pas été chargé des questions financières. Je pense que c'est essentiellement Toulon et Del Proposto qui ont géré les fonds. Les deux principaux animateurs donc, semblent avoir été les mêmes Italo et Pio, peut-être Bacon. Mais je crois qu'il ne faut pas minimiser le rôle des autres militants pour qui les sources sont moins prolixes. En 1939, donc là je me répète, aucun des militants n'avait été identifié. Donc sur le plan local, Toulon et ses compagnons entretiennent également des relations avec les groupes et les libertaires marseillais. Je pense que c'est ce qui a été le plus difficile à démontrer, des différentes nationalités. Enfin, en tout cas, je le suppose, compte tenu de la circulation des différentes nationalités et de l'implantation de ce groupe au sein des autres organisations. Une collaboration qui est confirmée par certains comptes rendus financiers qui font apparaître des contributions alors à une commission mixte de solidarité espagnole où semble-t-il pas mal de groupes de groupuscules anarchistes français versent de l'argent. Entre janvier et mai 39, en tout cas, cette collaboration est visible dans les comptes rendus financiers. Une collaboration qui est interrompue après la dissolution du comité, sans doute avec l'accord, enfin, sans doute décidé par les organismes anarchistes espagnols, hein, le Conseil général de la SIA ou le CECI, représentant la CNTFI à Marseille. L'augmentation de la masse de réfugiés interdit l'arrêt des secours, et le comité, le CAPVP, pour faire simple, je vais dire le CAPVP, poursuit seule l'assistance. Ça ne signifie pas que les autres groupes libertaires se dédouanent totalement de l'assistance, mais en tout cas, c'est eux qui prennent les rênes à partir de ce moment-là. La commission mixte, ou la commission d'Ayuta y Refugiat Espagnol, elle est composée de délégués des groupes Germinal, notamment, un groupe qui a fonctionné à la fin des années 30 avec lui. Le CECI, le Centre d'Expansion Commerciale Internationale, pour lequel Toulon y travaille occasionnellement, alors de façon officielle et de façon moins officielle, est en réalité une fausse compagnie de transport espagnol, qui est basée à Marseille sur la Canelière, et qui est en réalité destinée au trafic d'armes à destination des anarchistes espagnols. Innocento da Camara Pires, je m'excuse, mais il va bien falloir que j'en case quelques-uns, militant portugais, membre de la FAI, gère cette structure. depuis octobre 36. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de comparer l'activité libertaire avec notamment l'activité de la compagnie France Navigation, pour ceux qui la connaissent, qui s'installe à Marseille en 37, qui est créée par l'ambassade de la République espagnole et gérée par les communistes Chéretti et Georges Gosnat. Je ne sais pas si vous avez lu « À l'ombre des deux thés », dans lequel on revient sur... Donc évidemment, cette compagnie achète 24 bateaux pour acheminer armes et vivres en Espagne républicaine. On n'en est pas du tout là. Ce sont des comités, ce sont des organisations, des petites structures. La question des moyens financiers, parce que quand même, il va falloir en parler, même s'il faut dire que ça a été que l'argent a cruellement manqué. La question des moyens est une question centrale qui conditionne en grande partie la survie de ces activités. L'activité du comité repose sur l'engagement personnel et le bénévolat des militants. Pour maintenir une activité constante de propagande et d'assistance, l'argent reste malgré tout le nerf de la guerre. Il faut alimenter les caisses, donc on organise des fêtes, des activités théâtrales, des loteries, des ventes, des activités classiques pour récolter des dons. Le graphe, qui est peut-être pas très clair, fait état de financement reposant d'abord sur les groupes anarchistes italiens en exil aux quatre coins de l'Europe, alors très localement et après beaucoup plus éloigné en Europe, au-delà en Afrique du Nord, toujours des groupes qui s'agrègent autour de personnalités ou d'organes ou de périodiques un peu importants, comme la Donat à New York et Rivel ou à Genève. C'est donc un réseau de souscripteurs très étendu géographiquement, des militants reconnus comme Giovanna Bernelli, qui était à Paris, ou autour de Damiani, qui s'est réfugié en Tunisie, et des compagnons moins en vue comme Bostolo, que personnellement je ne connais pas, qui est installé à Toronto, font jouer leur réseau de souscripteurs. On retrouve surtout des puissants groupes qui se sont formés autour des principaux organes. La Donata dei Refrattari, difficile de ne pas le mentionner, autour de Max Sartine et d'Osvaldo Maraviglia à New York, et Bertoni à Genève. Le recoupement de toutes ces sources a permis de reconstituer avec plus ou moins de précision 14 mois de fonctionnement financier du CAPDP. Le dernier bilan, celui du mois d'août, je l'ai retrouvé que très récemment. Le dernier bilan du mois d'août, septembre, octobre 39, avait été versé au dossier de procédure judiciaire de Touronne, un dossier qui est conservé dans les archives de la justice militaire dans l'Aisne. De septembre 38 donc à octobre 1939, le comité aura récolté la somme de 42 522 francs. Dans les premiers mois, évidemment, les souscriptions sont plutôt le fait de militants et d'organisations locales. À partir de décembre 38, le champ des souscripteurs s'éteint. Et en février 39, les souscriptions sont multipliées par 10. À l'assistance que le comité apporte traditionnellement aux clandestins transitant par Marseille, viennent s'ajouter des milliers de réfugiés espagnols qui affluent à la frontière lors de la retirade. Le nombre des candidats à l'assistance augmente de façon exponentielle et les compagnons marseillais, à l'initiative de Pio Touron, proposent aux autres comités, donc essentiellement les comités lyonnais et parisiens, de prendre la main sur les opérations d'assistance. Cette proposition se justifie à mon sens et à leur sens visiblement pour au moins deux raisons. La liaison avec les camps d'Argelès-sur-Mer et de Saint-Cyprien est définitivement assurée après la mort sur place de Toulon, et donc la liaison est plus simple, quand même la distance est beaucoup plus courte. Des accords sont passés, notamment entre le comité marseillais et un militant perpignanais, Louis Mongon, qui est connu dans le milieu anarchiste, mais qui lui va coordonner les secours sur place à Perpignan. Une des autres raisons, la proximité géographique, évidemment, avec la ville de Perpignan, et surtout la réduction considérable des coûts de transport de marchandises et la durée d'acheminement du courrier. Cette proximité permet de réduire la durée des trajets pour les compagnons évadés, parce que Touron et Mongon organisent quand même un bon nombre d'évasions, bon, même si clairement on ne peut pas les quantifier, et les militants qui font de fréquents allers-retours dans les différents camps, puisqu'on a la preuve qu'ils ont sillonné au moins régulièrement au moins 4 des 13 camps qu'ils couvraient. On n'a pas retrouvé la trace d'accord ou de refus, ça peut être une opposition des autres comités. La multiplication par 10 des recettes de février 39 semble, semble plaider à la faveur d'une centralisation des moyens, et il semblerait que les Parisiens aient accepté la proposition de Toulon. L'argent est principalement utilisé pour venir en aide aux compagnons de passage, les évader ou ceux à exfiltrer. Je ne m'attarderai pas sur les exfiltrations, c'est beaucoup plus tard et puis ça emprunte tellement de canaux différents, bien que Toulon en ait bénéficié. Contribuer à la commission mixte de solidarité et surtout l'assistance dans les camps d'internement, donc c'est les trois principales sources de dépenses. La solidarité libertaire à l'égard des Espagnols et réfugiés de toute nationalité a joué un rôle important. Bon, cependant, il faudrait quand même rappeler que son impact a été somme toute mineur par rapport aux autres organisations présentes sur le terrain de l'assistance. Je pense au Parti communiste, voilà, SIA. Mais leur engagement est d'autant plus louable qu'il n'a bénéficié d'aucun soutien financier extérieur et que la plupart de ces militants mènent une existence spartiate et totalement dévolue à l'assistance. L'implication locale est importante, les collectes sont effectuées sur les chantiers, dans les usines, l'argent a souvent fait des bouffons, je ne le redirai pas assez. Les libertaires italiens ont su faire montre de capacité d'organisation, et lorsque la situation l'a exigé, ils ont su centraliser les fonds, et surtout réduire les réseaux de circulation de l'argent, des secours et des militants. Les fonds américains ont le plus souvent transité par la Suisse avant de parvenir à Marseille. Luigi Berton et Lisbeth et Anarchico de Genève servent d'intermédiaire entre le comité et les militants américains. Une partie de ces fonds provenant de Suisse est vraisemblablement issue de souscriptions italo-américaines, bien qu'on n'arrive pas à retracer l'origine de tous les fonds. Les bilans détaillés du comité à la rédaction d'Elvis Bello, qui ne publie que l'essentiel. Les membres du comité œuvrent dans la plus grande transparence pour la plupart du temps et tiennent à disposition des militants des comptes rendus scrupuleusement établis. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, ce bilan du mois d'avril 1939 fait état à droite de pasti, donc les repas. Alors, on sait qui a pris ce repas. Des personnes qui ont passé la nuit sur Marseille, des secours qui sont envoyés en prison, dans les prisons espagnoles, car un certain nombre de militants sont emprisonnés dans les prisons espagnoles. On voit apparaître le nom de Fancela, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Fancela, qui a été condamné à 20 ans de travaux forcés pour avoir assassiné un sabianiste en 1937. On peut voir apparaître le nom de militants divers et variés qui sont incarcérés, qui sont en camp d'internement, qui viennent de s'évader, qui ont besoin d'un hébergement. Donc, c'est assez fastidieux, mais ça permet quand même de bien reconstituer. Alors, il y en a plusieurs. J'en ai trouvé à Amsterdam, il y en avait à Pise dans des cartons, j'en ai trouvé un dans l'Indre. Mais je ne désespère pas de trouver les autres. Parmi les dépenses récurrentes, j'ai essayé de recenser les frais afférents à l'assistance des militants de passage évadés et exfiltrés, les frais d'hébergement, de ravitaillement, les frais de justice pour les compagnons en délicatesse avec la loi, l'assistance des familles de prisonniers, les frais plus classiques de fonctionnement, les frais de douane et les frais postaux. Alors, il y a beaucoup d'achats de papier en quantité qui nous met, enfin moi en tout cas, qui m'a mis sur la piste d'un bulletin. Il bollettino d'informazione dell'Unione Anarchica Italiana. Il y en a une quinzaine de numéros. C'est un format classique qui se plie facilement, qui, je pense, a pu être introduit dans les camps de concentration facilement pour informer les militants. Jusqu'à présent, et même Bettini, ne l'a pas identifié comme étant l'œuvre du comité. Moi, je fais des suppositions. Cette grosse quantité de papier, le fait que Toulon, moi, j'ai trouvé ça dans une correspondance, il correspondait avec Lucie Fabri, la fille de Luigi Fabri, dans laquelle il disait notre bulletin, on en est à notre cinquième numéro, ça fonctionne bien, il pénètre dans 13 camps de concentration. Il y a des chances pour que ce soit celui-là. Je n'en suis pas sûre. Je n'ai pas retrouvé tous les numéros. Ceux-là sont disséminés aussi aux quatre coins de l'Italie, beaucoup à Amsterdam. Ce qui est moins discernable en revanche, ce sont les frais d'acheminement des colis, du courrier et des journaux vers les cas. Ce qui nous amène peut-être à envisager un possible accord avec le CECI. Tout le monde y travaille pour le CECI. On peut peut-être aussi envisager qu'il ait permis au comité de faire le transport de courriers et de journaux vers les Pyrénées-Orientales. Ça peut être une possibilité. Les dépenses liées, il y a beaucoup de dépenses liées à la fabrication de matériel clandestin. Beaucoup de ces militants n'ont pas de papier. Par ailleurs, dans la région, il y a des orfèvres. On sait que Homero Ferrari, pas connu dans le mouvement anarchiste parce que ce sont des républicains, enfin, plus exactement, des membres de Justice et Libertà, Homero Ferrarini, Ezio Servia et Romeo Tonaren, qui travaillent sur les mêmes chantiers, puisqu'ils sont maçons, que Touron, fabriquent de faux papiers dans la banlieue marseillaise, et ils sont rejoints à l'automne 1940, justement, par Joyce Lussou et Émile Lussou, qui deviennent rapidement à leur tour des experts en falsification. Donc on peut aussi imaginer que le comité eut recours au service de ces membres de Justice et Libertà pour fabriquer de faux papiers. La collaboration hygiéniste n'est pas à exclure, hein, compte tenu des relations que Touron a toujours entretenues avec les militants de Justice et Libertà depuis le début des années 30 et en Espagne ensuite dans les colonnes. Localement, le comité connaît une forte accélération, je l'ai déjà dit, dans ses activités à partir de février 1939, une accélération qui est perçue aussi par la police italienne, dont l'un des informateurs est infiltré dans les milieux libertaires. On peut penser à Bernardo Cremonini, qui est le beau-père de Touron, mais je pense aussi à Wolfgang Sampaoli, qui lui est un membre de Justice et Libertà et qui vit à Marseille. Donc voici comment il décrit le récent afflux d'immigrés et qui gravite autour du comité. À Marseille, les arrivées clandestines de Cubains, Tunisiens, Argentins, Italiens et Espagnols ne cessent pas, tous dans des conditions désespérées. Les compagnons Bacconi, Castagnoli et Touroni multiplient leurs efforts pour se rendre utiles auprès de ces malheureux loqueteux, affamés et démoralisés. Mais les moyens s'amenuisent. Heureusement qu'ils ont trouvé un de nos sympathisants qui a un restaurant et qui a permis que soit organisée une espèce de cuisine économique collective. Mais jusqu'à quand pourront-ils rester dans une telle situation ? Il y a un passage dans la Chevauchée anonyme, pour ceux qui l'ont lu, où Parrain demande à Mario, mais pourquoi tu continues à rester sur Marseille ? Parce que bientôt, comme on le sait à la fin des années 30, sous Vichy, toutes les possibilités de s'exfiltrer de Marseille vont être impossibles. Et donc il lui pose la question, il lui dit tu devrais partir tant qu'il est encore temps, pourquoi tu restes ? Et à ce moment-là, il lui dit je sais que je ne pourrais peut-être pas partir, mais ici, j'ai l'impression que je sers à quelque chose, et avec l'argent des Suisses, je fais manger 100 à 120 zèbres. Ce qui quand même constitue un sacré boulot et une sacrée maintenance. L'afflux constant des réfugiés et des clandestins en espace de papier en règle ou de départ nécessite une organisation importante, je l'ai déjà dit. Le comité doit trouver des solutions de fortune pour héberger et pour nourrir tous ces hommes de passage. Nourrir et héberger ces réfugiés semble avoir été une casse-tête constante pour les membres du comité. Alors, ils ne sont pas à court de, ils sont pas à court d'inventivité. Ils sont eux-mêmes, pour la plupart, en situation irrégulière. C'est le cas, en tout cas, de Castagnoli. Ils ont recours toujours à Frédéric Lambert, qui, lui, a loué en permanence deux chambres dans lesquelles circulent les militants de passage. On estime que le comité fournit une aide immédiate aux réfugiés. On estime que l'aide immédiate doit couvrir les repas et l'hébergement durant 3 ou 4 jours, le temps que les militants se remettent sur pied et puissent trouver une solution ou un canal pour quitter Marseille. Ce qui deviendra de plus en plus difficile après 40 ans. Pour les militants les moins exposés, ils ont la possibilité de se rendre dans cette fameuse cuisine collective, les vols pour la cuisine. Alors, les bilans font mention de Renato, donc je vais penser à Renato Castagnoli, mais il faut aussi mention d'Amalia. Alors, je me plais à croire que qu'il s'agit de Medhia Maria, la sœur d'Elena, la belle sœur d'Enrico Malatesta, qui vit à Marseille à ce moment-là, et qui au début des années 20, qui est à Marseille depuis des années 20, et qui gravite dans l'entourage de Toulon. Alors, Amalia est un prénom pas spécialement répandu, il se peut qu'elle soit la belle-sœur de Malatesta. Il existe également le restaurant de Mario Mariotti, que je n'ai pas réussi à identifier, sans doute un sympathisant, qui reçoit les réfugiés envoyés par le comité. Bon, parallèlement à ça, le comité poursuit ses activités traditionnelles de défense des prisonniers en finançant les frais de justice et les frais d'avocat, soutenant les familles des prisonniers, en donnant le pécule nécessaire pour le départ et accompagner les militants à leur sortie de prison. C'est notamment le cas, je le souligne parce que certains ici les connaissent, en octobre 1939, le comité finance par exemple le procès en appel d'Edmondo Lelli et de Celso Persici à Alger. Ils ont été arrêtés durant l'été 1939 parce qu'ils... Pourquoi ils étaient condamnés? Ah oui, pour non-respect des nouvelles dispositions faites aux étrangers avec la législation de février 38. Et surtout pour usage de faux papiers. Donc sur place à Oran, il y a toujours des réseaux qui sont mis en place. Sur place à Oran, Touron est en contact avec Dino Angeli, qui a été un membre du CIRA, tout comme Chex au PFC dans les années 70. Et qui prend le relais avec l'avocat. Donc les condamnations pour infraction à arrêté d'expulsion se multiplient après 1938. Le comité intervient notamment en faveur d'Edel Squadrani, là c'est un petit clin d'œil à Monique, d'Edel Squadrani et de sa compagne Meli Amalia, arrêtée pour les mêmes motifs en octobre 1938. Ces quelques mots, les quelques témoignages qu'on a pu trouver sur les comités, bon, d'abord Touron et la plupart de ses compatriotes sont assez timides et sont assez réservés. Il y a une espèce de pudeur qui fait qu'ils n'aiment pas raconter. Il y a aussi un peu ce réflexe, on est infiltré, on est envahi par les espions. Donc ils n'aiment pas trop se raconter. Mais en tout cas, les quelques mots qu'on a pu trouver sur leur activité... ça ne traduit vraiment pas, je ne crois pas, la multiplicité des engagements que le comité a pu avoir sur Marseille et dans les environs, ni l'importante organisation qui s'est déployée notamment autour des Pyrénées-Orientales depuis Marseille. Il ne rend pas compte non plus de l'implication de ses autres partenaires engagés dans l'assistance aux internés. Touron n'est pas tout seul dans la mise en place des secours en direction des internés. Et le comité se retrouve au centre d'un réseau d'intermédiaires et de structures sur lesquelles s'appuyer. Alors, il n'est pas très lisible, je vous l'accorde, mais, et je ne suis pas sûre que ce soit très judicieux d'avoir mis Pio Touron au centre, mais en tout cas, en bleu, ce sont tous les interlocuteurs les plus proches. Toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, ont contribué ou financièrement ou ont aidé Touron dans l'assistance dans les camps. Les bleus ciel, ce sont les partenaires secondaires. Là, je vois notamment M. Catalone, qui est sans doute un pseudonyme. Rapidement, Giovanna Berneri a cherché à avoir d'autres relais proches d'autres camps. Donc là, Orthez, c'est une ville qui est proche du camp de Gurs. Donc je pense qu'elle a cherché. Ça n'a jamais aussi bien fonctionné que sur les Saint-Cyprien et les Argelès. Mais il y a eu comme ça des tentatives de chercher. Donc en août 1939, le bulletin d'information, que je crois être celui rédigé par le comité, est diffusé dans 13 camps d'internement. La documentation nous a permis d'identifier 11 camps dans lesquels le comité intervient de façon directe ou indirecte. Alors indirecte en envoyant des vivres et directe en se déplaçant dans les camps. Il faut avoir en tête que la sécurité, la notion de sécurité est un peu différente que dans les camps de concentration parce que ces camps ne sont pas fermés. Il est très facile d'y pénétrer, enfin en tout cas dans les premiers mois, il est très facile d'y pénétrer. D'avoir des relations avec les militants, en tout cas d'échanger. Ça se durcit après parce qu'il y a beaucoup d'évasion. Donc parmi les cas dans lesquels il travaille, moi j'ai relevé Saint-Cyprien, Argelès-sur-Mer, Arles-sur-Tech, Barcarès dans les Pyrénées-Orientales, Gurs dans les Pyrénées-Atlantiques, Rieucros en Lozère, Le Vernet en Ariège, Sept-Fonds dans le Tarn, dans le Tarn-et-Garonne, Juillac en Gironde, Combresol et Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Bon, évidemment, la carte ne fait pas état de tous ces camps, mais en tout cas, ce sont les camps qui ont bénéficié du soutien financier et matériel du comité, dans lesquels Touronne ou Mongomme se sont au moins déplacés une fois. Donc Rieucros, Sept-Fonds, Gurs, Le Vernet, Saint-Cyprien, Barcarès et Argelès. Alors après, je n'ai pas fait la distinction entre les camps de travailleurs, les GTE et les camps d'internement purement administratif. Les relations avec Argelès et Saint-Cyprien sont attestées donc à partir de janvier 39. Il semblerait que Giovanni, alors je ne sais pas si c'est Giovanna ou Gilliane, Giovanni c'est la mère, c'est la femme de Camillo Bernel, et Gilliane c'est la fille, une des deux se sont rendues dans les camps pour établir le premier contact. Mais c'est l'initiale et je n'ai pas réussi à déterminer laquelle des deux l'avait fait. Touronne effectue de fréquents allers-retours. C'est pas rare que le vendredi soir, ils partent en train, mais souvent en train, partent pour Perpignan, pour coordonner les secours. En tout cas, durant l'année 1939, il a fait très souvent. Depuis Perpignan, il y a toute une logistique qui est mise en place, dans laquelle on pourrait rentrer plus finement. Et les archives départementales des Pyrénées-Orientales ne sont pas très... sont pas très fun. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses micro-filmées, c'est pas... par l'intermédiaire de Mongomme et de Joseph Ciuti, un autre militant libertaire italien qui lui est naturalisé français. Donc toutes les semaines, Mongomme se rend dans les camps d'Argelès et de Saint-Cyprien, collecte le courrier et fait la liste des différentes choses dont les internés ont besoin. Ciuti et son beau-fils s'y rendent aussi une fois par semaine pour déposer les achats effectué par Mongomme pour livrer les colis expédiés par les comités parisiens puis marseillais. Il existe même un comité interne d'Argelès. Je ne sais pas combien de temps il a fonctionné, mais voici un des comptes rendus financiers qu'ils ont pu faire parvenir Luigi Berton, et d'ailleurs qui a été publié, si je ne m'abuse, dans la Donata, pas sous cette version. Le comité du camp d'Argelès débute avec une somme de 4000 francs qui avait été vraisemblablement remise par Gilliane à Giovanna Bernelli en janvier 1939. On n'est pas surpris de voir qu'à la tête de ce comité, on retrouve des Giovanni Dupuis, Dario Castellani, qui déjà avait déjà officié au sein du profil des Cacerati à Marseille. Dès février 1939, les membres du comité interne d'Argelès informent Marseille qu'ils ne veulent plus recevoir de secours, qu'il faut cesser tout envoi, car les caisses sont suffisamment pourvues et qu'ils vont pourvoir eux-mêmes à l'assistance des comités. On retrouve là le souci de faire profiter les autres camps, un moyen d'organiser des dons et des collectes des comités. En même temps, il est difficile de savoir si ce type de comité interne s'est développé ailleurs. J'en ai pas trouvé trace, aucun document de l'atteste. Et après mars 1939, on ne trouve plus de mention de ce comité. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Ah, je vais vous montrer, c'est peut-être un peu plus clair. Alors, celui-là, c'est un bilan financier du comité de 1938, qui fait état, là, pour le coup, du nom et des groupes qui ont versé, et beaucoup moins, me semble-t-il, qui fait état du déficit, mais ça, un grand classique. Selon Touronne, en février 1939, il y aurait eu 230 libertaires italiens internés à Argelès. La liste des compagnons bénéficiant de l'aide du comité marseillais fournie par les membres du comité interne ne comporte que 110 noms, identifiés pour la plupart comme des anarchistes, mais ce n'est pas exclu qu'il y ait eu d'autres formations politiques. Des noms sont ajoutés à la main à l'exception des communistes. D'autres familles politiques ont pu bénéficier de ce soutien matériel et financier. Difficile de quantifier le nombre d'évasions organisées par Touronne et Mongomme. Depuis Argelès et Saint-Cyprien, c'est essentiellement sur ces deux camps qu'ils ont officié. Bourgogne est détenteur d'une caisse qui est alimentée par le comité et qui est prévue pour couvrir les frais d'évasion. D'autres relais ont été cherchés, mais je l'ai déjà dit. Les secours semblent s'interrompre vers la fin du mois d'octobre 39. On n'a pas trouvé de source au-delà. Pio Turone y est arrêté le 13 novembre 1939. Bon, on sait qu'il va être relâché, repris, renvoyé dans un camp. Louis Mongon est interné à son tour dans le camp du Barcarès en décembre 1941. Dario Castellani est toujours interné à Argelès en mars 1941. Peu de libérateurs italiens ont échappé à l'internement et à la prison. Pio ne sera pas épargné, évidemment. Après son arrestation de novembre 1939, commence pour lui, mais aussi comme pour des centaines d'autres militants, une phase de clandestinité totale, ponctuée de séjours dans divers camps et prisons du sud-est de la France. Merci. Voilà, j'ai fini. Merci. Bon, si ça vous intéresse, voici quelques-uns des journaux qui ont été publiés à Marseille. Donc, Il Pozzo dei Traditori, c'est un numéro unique. Je veux dire quoi, le puits pour les traîtres ? Le puits des traîtres. Le puits des balances au puits. Donc tous ces numéros uniques sont essentiellement dédiés à Vili Pande le Duce et les suivants à alimenter une querelle intestine, une querelle interne entre anarchistes individualistes et anarchistes proches de l'Union anarchiste. Ça veut dire quoi, Padelai ? Donc en fait, l'Union des Padelai, Padelai, les... bon, c'est un dialecte. Ah. Padelai de padel à la poêle, j'allais presque dire l'union et des padelai. S'il y avait Isabelle, elle me tirerait l'oreille, mais j'allais dire, on s'en fout. C'est-à-dire des margoulins, moi j'allais dire presque des margoulins, parce qu'en fait, à travers ces numéros uniques, il attaque les membres toscans du profili del carcerati, à qui il reproche de monopoliser l'assistance et surtout à qui il reproche d'avoir souscrit pour l'épopée garibaldienne. Dans les années 24, les petits-fils de Garibaldi avaient monté une expédition contre Mussolini, puis hein, finalement il s'en est mis plein les fouilles et a donné l'intégralité des noms des militants qui résidaient en France à l'Obra. Donc en fait, par l'intermédiaire de ces numéros uniques, il n'y a plus. Voilà, le nom Olian quand même, parce que Gigi Damian, il est de nouveau question d'Isabelle. Gigi Damian, il est venu en France, est venu à Marseille en 1927, et il semblerait que ce soit auprès de ce groupe d'anarchistes toscans qu'il ait trouvé le soutien pour publier ce numéro, qui en réalité est destiné à l'introduction clandestine en Italie. Donc en fait, le mot d'ordre, c'était déposez-le dans les trains, laissez-le dans le métro, en espérant qu'il tombe aux mains d'antifascistes qui le diffusent. Donc en fait, c'est une espèce de diffusion à la mac, comme on dit en italien, par tache d'huile, et qui voilà, il compte trois numéros. Et ça, c'est la lanterne. Alors, la lanterne compte 17 numéros, dont 3 numéros que je viens de trouver récemment, qui en fait sont des stencils. Donc, ils ont les 3 ou 4 derniers numéros ont été renéotés par Prudhomme à Nîmes. Donc, c'est. Alors, je n'ai pas du tout réussi à identifier qui étaient les. Qui étaient, voilà, ça, c'est un numéro renéoté. Voilà. Donc ce sont quand même des publications qui ont duré plus de 2 ans et surtout qui comportent une dizaine de pages. Celui-là, là, le renéoté, il comporte une quinzaine de pages. Et c'est fini pour la production. Alors après, il y en a bien d'autres. Donc on vous a sorti quelques bouquins. Alors il y a... Dans l'édition libertaire, il y a beaucoup de choses sur l'Espagne, mais sur l'Italie, il n'y a pas grand-chose. Donc on attend que Françoise nous écrive plein de livres pour compléter un peu. Il y a par exemple... Et il revient nous présenter. Voilà, il revient nous présenter. Est-ce qu'il n'y a pas, même de l'histoire de l'anarchisme en italien, l'anarchisme en Italie, en français ça n'existe pas. Donc, après on a quelques monographies, je vous ai sorti quelques choses, quelques bouquins qu'on a en librairie. Le seul bouquin qui retrace, mais sur un chapitre ou deux, et encore, c'est le bouquin de Luigi Di Lembo qui n'a pas encore été traduit, ouais. Guerra di classe et Lotta umana, qui retrace l'entre-deux-guerres et la parenthèse de l'exil, mais il y a très peu d'études, et même à lui, il y a très peu d'études sur le mouvement en exil. Enfin, en tout cas en France, parce qu'il y a quand même peut-être plus d'études sur l'exil en Amérique latine ou aux États-Unis. Après, l'aide dans les camps, c'était en priorité aux Italiens. Oui, ils aidaient un peu tout le monde. Il semblerait que beaucoup d'Espagnols en aient bénéficié. Bon, après, on dispose de listes, mais qui sont ni fiables, ni exhaustives. Et puis, occasionnellement, je pense que certains militants ont pu bénéficier de l'assistance sans avoir été des sympathisants. Bon, surtout pas de communistes, ça c'était quand même le mot d'ordre. On se demande. Et du coup, mais par contre sur Marseille, toutes les familles politiques de l'antifascisme ont bénéficié des secours. Après, évidemment, ils ne sont pas les seuls sur le terrain de l'assistance. Il y a le Parti communiste, il y a la SIA. Donc forcément, ni ils ont le monopole et surtout... comparé aux autres organisations, c'est quand même très petit. Mais c'est plutôt les conditions dans lesquelles rouler et surtout le manque de moyens qui... Tu l'as un peu dit, mais c'est vrai qu'il y a surtout des noms d'hommes et de femmes, elles sont vraiment anonymes dans les archives, dans tout ce que tu as... Il y a très peu de traces de femmes, à part Fosca Corsinovi. Et encore que j'allais dire, on la connaît parce qu'elle a été la maîtresse de Dario Castellani, qui ensuite elle a été la maîtresse de Ugo Boccardi, et que je pense elle a beaucoup fait parler, parce que bon, même chez les anarchistes, on n'est pas si ouvert d'esprit que ça, parfois. Après, Amalia, mais parce qu'elle est la belle-sœur de Malatesta. Ouais, c'est... Et la sœur d'Elena Merli, mais bon, après on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'archives. Alors, la raison de sa présence à Marseille, la raison pour laquelle toute sa permanence à Marseille, elle n'est pas arrêtée, c'est parce qu'en fait, les informateurs de Ouvra ouvrent sa correspondance et du coup, elle est plus utile dehors qu'en prison, hein, puisque du coup, tous les militants, elles servent de boîte postale pour beaucoup de militants à Marseille. Je crois même, mais je n'ai pas réussi à le vérifier, qu'entre deux évasions, puisque Toulon est relâché du Fort Saint-Nicolas, de la prison du Fort Saint-Nicolas, et est renvoyé dans un camp dans le Gard. Et lorsqu'il s'évade, il se réfugie, je pense, chez elle, mais je ne peux pas le vérifier. Et comme autre femme dans le mouvement anarchiste tout court et dans le mouvement anarchiste italien dans l'entre-deux-guerres, la famille Bernadi. Alors il y a la femme de Bacogni, mais alors, c'est juste qu'elle participe aux activités théâtrales du groupe international artistique, mais et qu'elle est la sœur de Zazzeri, qui est un militant, et qu'elle est la femme de Bacogni. Voilà. Donc pas du tout de visibilité, parce qu'après à côté de ça, je pense que parmi elles, il y a des femmes qui militent. Et dans les camps d'internement, on ne trouve pas trace de femmes italiennes. Alors, et les camps d'internement pour femmes, il me semble que c'est Cambresol et Juillac. Je ne suis pas allée dans les archives. J'ai seulement consulté les archives microfilmées d'Argelès à Perpignan. Et je n'ai pas eu le temps de faire les autres. Il y a beaucoup d'archives manquantes. Il y a beaucoup de fonds lacunaires. Il y a eu beaucoup de pertes. Après, évidemment, je pense qu'il faudrait que je retrouve les autres fonds d'archives. Ah, il y a pas mal de listes qu'on peut retrouver dans les dossiers d'informateurs de l'OVRA à Rome, mais il faut les convulser. Et encore, elles ne sont pas. Alors, à l'occasion de. Oui, dans les... en 1938, la commission d'armistice a visité les camps. La commission d'armistice italienne a visité les camps d'internement des Pyrénées-Orientales et du Gard. Et justement, à cette occasion-là, on a les listes d'Italiens à qui on a demandé vous souhaitez rester ici et rester interné, ou sinon on peut vous renvoyer en Italie. En prison. Et il faudra en prison, ou dans un autre camp, ou déporté sur les îles Trinity. Vous avez le choix. Donc voilà. Donc c'est à cette occasion-là qu'on arrive un peu à voir qui est interné, mais la plupart, même les archives du Brébant, le Brébant marseillais pour les Marseillais, la salle de spectacle des 5 avenues. 5 avenues, c'est ça, je ne me trompe pas. Oui. A servi longtemps de camp de triage, c'est-à-dire que tous les internés étaient rassemblés et après on les dispatchait, le Gard, les Pyrénées-Orientales, l'Italie. Ces archives ont été, ont pas été conservées, en tout cas moi j'ai rien trouvé. Après il y a par contre, mais ça j'ai pas eu le temps de regarder, il y a les archives des camps bombards. Donc il y a beaucoup de femmes. Là, par contre, je pense qu'il doit y avoir pas forcément des anarchistes, je pense. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Et puis après, il faudrait tout simplement ouvrir tous les dossiers, tous les casellas politico-chentrales et de tous les militants, qui représentent quand même 55 km d'archives à Rome. Ça fait de la matière. Il faut prendre des lèvres. Il faut prendre des vacances. Il faut être surtout très patient. C'est quand même un exercice à part entière. Il demande beaucoup de patience. Remplir plein de bordereaux, puis attendre. Remplir des bordereaux, attendre. Ils ne descendent pas aux archives après 13 heures. Ils ne sortent pas plus de 3 documents par jour. Non, mais bon, après, clairement, ce qui est dramatique, c'est surtout lié au fait que le service public en Italie est dans une situation critique et qu'il n'y a pas de... C'est tous les services publics. Hein. Oui, non, mais là, particulièrement en Italie, il y a maintenant, les archives ne sont plus ouvertes tous les jours, les bibliothèques ont deux jours de fermeture dans la semaine, en dehors du dimanche, parce qu'il n'arrive plus, il n'y a pas de continuité du service public. Donc, ça, c'est quand même aussi dramatique. Et récemment, je me suis rendu compte qu'ils vendaient aussi des archives sur le site de... Alors, je ne sais pas si ce sont des doubles ou des copies. On a la possibilité d'acheter des archives aux archives centrales de Rome. Et ça, très curieux. T'es arrivé après, mais Françoise a cité Andrea Rue. Alors, quelle était... Parce que Sylvie connaît bien. Est-ce que tu sais quels étaient ses rapports avec les réfugiés italiens? Que je sais même ce qu'il m'a dit, c'est que quand il est arrivé en 40 à Marseille, dans le Bordeaux, clandestin, et très rapidement, il s'est installé à Saint-Loup, du National, et il a monté, d'abord il avait une station de service tant qu'il y avait du carburant, quand ça a été fermé, il a monté un atelier de réparation de cycles. C'est ce que l'on voyait tout à l'heure sur la photo. C'est une chose qu'il n'avait jamais faite avant. Voilà, bon, ça c'est une incidente. Et très rapidement, son atelier, enfin là, il y avait l'atelier de vente, comme souvent à Marseille, oui. Voilà, ça c'est chouette. Son compagnon de travail et d'incarcération aussi. Hein. Et donc, il s'est constitué un petit groupe d'anars, le groupe étant clandestin, tous les anars ne l'étant pas, beaucoup, et on disait qu'il y avait, bon, il y avait quelques Espagnols, il y avait quelques Italiens, il y avait un Tchèque, il y avait un Russe, c'était Boulin, qui s'est intégré au groupe depuis un certain temps, il y avait Armand, Maurras, qui venait un peu de Syrie, enfin, la Syrie était un même passage, et était noir. Armand Maurras, c'est le danseur. Oui, c'est le danseur. Là, le grand black. Qui est décédé en très peu de temps après la libération de l'anonymisme. En détail, je ne saurais pas dire. Et Étienne Jouvet, parce que Étienne, en personne, alors, Étienne, André a repris contact avec lui. Bon. Étienne vivait très petitement dans une minuscule logement et il a accepté la visite d'André, mais il n'a rien voulu savoir après. C'est, pour lui, c'était terminé. Ça arrive, hein, ce genre de choses. Dans quelles années, ça? Après la guerre. On a la décennie 70. Après, moi, je suis allé une fois aux archives départementales, là, quand je cherchais sur un gars qui s'appelait Pastor Evo. Je suis tombé sur un projet d'attentat à la Ciotat, là, entre les deux guerres, là, où ils ont arrêté des mecs, où il y avait de la dynamite. Tu n'as pas entendu parler, ça? Il y a une série qui s'appelle la H2, ouais, qui fait aussi une quarantaine de kilomètres, hein, de rayonnage. En fait, ce sont tous les projets d'attentat. Il y en a eu plein. Et toutes les suspicions de complot et toutes les... Mais c'est énorme. Ouais. Donc... là, il y a l'attentat de la Casa d'Italie en 1932, qui est un vrai attentat, où il n'y a pas eu de mort. Il y a eu quand même beaucoup de dégâts. Mais il y avait une Casa d'Italie à Aubagne. À Aubagne. Ah, ouais. Et en fait, c'était un vrai... C'était un truc officiel de l'État. Fasciste, c'était un vrai nid de fachos. Comme celle de Marseille, comme celle de Mépin, qui était complètement. Et du coup... Peut-être à la suite... Cochin-Chic, alors en plus, il est énorme, mais en fait, c'est un... C'est un peu comme les Ovaliani, c'est les gens qui vivent sur le bord de l'Adriatique, la Trieste. Donc en fait, il s'appelle Pierre Cantien. Et quand il arrive à Marseille, je crois qu'il travaille à Saint-Goux, ceux de Coderre, les ateliers Coderre à Saint-Goux. À la Val-Barelle. Et donc, avec du matos de fortune, lui, un autre de ses compatriotes de chantier, un républicain, met une bombe. Alors, il n'y a pas du tout de mort. Par contre, il y a énormément de dégâts. Et dans mes souvenirs, maintenant, c'est consultable, puisque le délai... Donc, il y a énormément de photos. Elles sont consultables. Ce dossier est consultable, je crois, dans la série 2U, AX. Voilà, donc il y a tous les détails de l'enquête. Alors, curieusement... Dante Fornazari est défendu par un comte du barreau, que j'ai oublié, que tout le monde connaît dans ces années-là, qui a défendu beaucoup de gens d'extrême gauche. Ça va me revenir. Torres, Pas Torres. Torres. Oui, c'est Torres. Et on voit que Cochin-Chic, par contre, on avait un peu moins les moyens, donc il a eu une défense dégueulasse et il a pris. Ils ont été condamnés à combien, là? Je ne me rappelle pas. En tout cas, Fornazari, qui est arrivé devant les jurés, a dit que de toute manière, il était anarchiste et qu'il avait été seul. Il revendiquait totalement l'attentat et que, en gros, il a dédouané Fornazari. Mais après, des rumeurs de complot, il faut quand même avoir en tête que les informateurs de l'OVRA et tous les petits informateurs à la petite semaine sont payés à l'information. Donc plus l'information est juteuse, plus il y en a. Mais dans ces dossiers, on voit la collaboration de la police française avec la police italienne. En réalité, je pense que clairement, les Français s'en fichaient un peu les anarchistes. La crainte du moment. Il est surveillé quand même. Il est surveillé, mais la crainte du moment, c'est vraiment le Parti communiste. Et du coup, ils sont surveillés. Par contre, l'Italie prend ça très à cœur. C'est-à-dire qu'en fait, elle veut ficher et suivre tous les ressortissants qui ont osé quitter les territoires italiens. Et c'est extrêmement documenté. Alors, des fois, il y a des informations totalement fausses, des inventions, des trucs super... Ils demandent des renseignements, les Italiens demandent des renseignements à la police française qui ne les donnent pas Non. En fait, tout le réseau consulaire, c'est-à-dire tous les gros consulats, Marseille, Lyon, Nice, à la tête des consulats, ce sont des collaborateurs de l'OVRA qui ont des numéros de code. Hein, donc Lyon, c'est nom de code Rodano 69. À Marseille, en plus, on a eu Barduzzi, qui lui est un ancien du PNF, du Parti National Fasciste, et qui prenait sa mission super à cœur, et qui s'est mis à afficher, à avoir des complots partout. Donc d'ailleurs, il y a un numéro de la concentration antifasciste dans les années 28, qui titre « Lamentatura, je ne sais pas comment on dit en français, c'est le... un truc monté de toutes pièces, parce qu'en fait, ils voient des complots partout et ils s'imaginent que l'intégralité des groupuscules sont infestés de terroristes. Donc voilà, ça prend des proportions. Après, à côté de ça, c'est vrai aussi que tous ces agents consulaires, tous ces consuls, ont plus ou moins d'informateurs qui circulent. Tous les milieux de l'antifascisme italien sont infiltrés, quel que soit le... Il y a des gélistes. Alors évidemment, c'est plus facile de retourner quelqu'un contre son propre camp, parce qu'il y a aussi l'argument, à un moment, il faut bouffer, que d'infiltrer quelqu'un qui n'appartient pas au mouvement, parce que quand même, le mouvement est assez méfiant, et qui pénétrerait les cercles. Donc c'est comme ça que le beau-père de Toulon, notamment... c'est le chef de file du mouvement anarchiste italien sur Paris, sur Fontenay-sous-Bois. C'est le point de relais de tous les anarchistes qui arrivent dans la région. Et c'est aussi l'un des premiers agents collaborateurs de l'OMA, parce qu'il avait 7 enfants, qu'il fallait qu'il bouffe. Enfin, je ne sais pas, un argument valable, mais je veux dire, après, l'OMA a su retourner certains contre leur propre camp. Et ça a duré très longtemps, ce plaigne. Jusqu'à ça. Je pense que Touron, en réalité, se rend compte que son beau-père est un agent collaborateur quand un des premiers chercheurs américains qui a travaillé sur le sujet a exhumé son dossier au Casellario Politico Centrale en lui disant « Mais c'est qui ce Cremonini ?» Il lui dit « C'est mon beau-père. » Donc en fait, ben, il lui écrivait, il lui rendait visite avec sa fille, donc ils appartiennent au même mouvement, ils fréquentent les mêmes. Donc par ce canal-là, les dossiers sont bien fournis. Alors heureusement pour nous, j'allais dire, tant pis pour eux. Bon, après, je pense qu'il y a des informations qu'il n'a jamais eues, ou peut-être qu'il a un peu filtré parce que c'était son beau-fils, je ne sais pas. Mais bon, toutes les rumeurs d'attentats, les préparations d'attentats qui ont été vérifiées par d'autres sources entre l'Espagne et Toulon. Parce qu'en fait, l'idée, la CNT financée, je ne sais pas dans quelle proportion, parce que là aussi, après, il y a des inventions, des sommes parmières, la CNT finançait un attentat contre Mussolini, et Toulon y était chargé de trouver un militant qui aurait suffisamment de cran pour retourner en Italie et attenter au jour du Ducci, lorsqu'il se rendait à Riccione dans sa résidence d'été sur l'Adriatique. Et en fait, il y avait un Italien d'origine, un gars qui est venu des États-Unis qui a essayé d'attenter à Mussolini. Oui, mais en tout cas, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a des bouquins sur lui. Comment il s'appelle? Ça commence pas par C. Est-ce qu'il y a quelque chose? Schiavina, Raphaël Schiavina, ah, qui est proche de la Duna. Ouais. Donc voilà, toutes ces informations remontent par des canaux. Ouais. Plus ou moins fiables, parfois pas très fiables. Quand Touroni a été, ils n'ont pas constitué un dossier, sinon sur lui. Curieusement, la première fois qu'il est arrêté en novembre 39, il y a peu d'infos sur lui. Bon, à Marseille, il n'est pas du tout connu. Je pense que la première fois que. Le premier rapport date de juillet 40, donc c'est après l'arrestation. Jusqu'en 39, il n'y a pas grand-chose. Alors, on sait qu'il a quitté. Après, lui, il est issu quand même d'une famille d'antifascistes, dans d'autres camps, républicains et socialistes. Mais au départ, c'est son frère qui se engage parce qu'il a eu de grosses altercations avec les fascistes locaux. Donc, lui, il est suit, il a 17 ans, il suit ses deux frères. Et ils partent en Belgique, ils partent travailler. Alors, au départ, c'est un peu une immigration, de travail économique. Et je crois, mais je ne suis pas sûre non plus, qu'il n'est pas du tout politisé dans sa famille d'origine. C'est un peu précurseur, entre guillemets, et que c'est au contact des militants parisiens et peut-être de son beau-père qu'il a initié, qui devient un art. Donc après, évidemment, tous ces déplacements sont des déplacements. Il suit les chantiers, il est embauché parce qu'il a fait un peu le tour de France. Il a vécu à Brest pendant 5 ans. Et puis, quand ça bascule après l'Espagne, il passe à la clandestinité. Et c'est plus le travail qui guide son parcours. Il reste à Marseille parce que c'est là que ça se passe. Il est quoi, 2 ans et demi, mais comme les autres militants, je parle beaucoup de lui parce que c'est lui que je connais le mieux, mais pour chacun des militants. Alors, je ne sais pas si on peut trouver autant de documentation. Parce qu'après, des fois, il y a des trucs improbables. Ben, c'est un peu improbable que dans les années 70, Mercier Véga, enfin, qui s'appelle. D'ailleurs, on sait, je ne sais jamais quelle est sa vraie identité. C'est Pauvrette, non ? Pauvrette, qui a plusieurs. Ou Charles Ridel. Ouais. Écrit ce bouquin où finalement ben, c'est pas si romancé que ça parce qu'à croiser avec d'autres sources plus fiables, moins romanesques, finalement ça reste. Et puis pareil, il s'embarque sur un bateau au large du Maroc, il part au Mexique, et sur le bateau il y a un antifasciste qui décide d'écrire un bouquin sur cette traversée, donc qui a dû être quand même assez pénible, ça a duré plus d'un mois et demi. Et puis surtout dans des conditions abominables. Et il fait un chapitre sur chacun des gars qu'il a rencontré à bord du bateau, en racontant, ben, notamment ce qui me manquait, en racontant par exemple les 7-8 mois que Toulon y a passé en Afrique du Nord, sur lesquels il n'y a pas du tout de source. Enfin, après, je mets tout entre guillemets. Mais du coup, le bouquin, il est publié à Mexico. Il n'est jamais traduit. Alors, il est écrit en espagnol. Il n'est jamais traduit en italien. Et en fait, je trouve la trace parce qu'il dit, dans une correspondance qui est conservée à New York, ouais, c'est vrai. Il dit, ben c'est super, il y a un gars qui vient d'écrire sur nous, il m'a conservé les chapitres, et donne le titre, et là, évidemment, en France, il n'est pas du tout connu. Oui, il y en a un exemplaire à la BD lycée. Ouais. Je suis allée voir. Et tu l'as vu ? Et oui. Et donc, il y a quand même 2-3 chapitres qui sont consacrés à Toulon et à d'autres militants. Ouais. Voilà, donc oui, c'est beaucoup de croisements de sources. Excusez-moi. Oui, pardon. Non, c'est un peu pénible parce que j'ai quelques questions qui m'ont un peu fait revenir à l'arrière de 30, voire 40 ans sur Marseille, à des anarchistes de une vraie crainte, par rapport à ces années-là. Et il y a des liens par rapport à ceux dont vous avez parlé. Donc notamment au tout début de votre exposé, vous parliez du fait que la migration politique italienne et la migration qui était liée au monde du travail étaient fortement liées. Donc il y avait une migration économique liée au travail et une migration politique, si j'ai bien compris. Vous disiez qu'il y avait un lien entre les deux. Moi j'y vois un lien forcément, quelqu'un qui vient même pour des motifs politiques, à un moment donné, il va falloir qu'il se confronte au monde du travail. Ouais. Et c'était le monde donc qui était politisé, c'est ça. Mais non, mais je veux dire, il y a eu plusieurs. L'immigration, elle a été économique essentiellement. Et puis en plus, c'est une immigration qui est très ancienne, l'immigration italienne, ça remonte au 15e siècle. Elle est essentiellement économique. À certains moments très ponctuels, les carbonari au 19e siècle, les réfractaires au service militaire en 1911, l'affaire de Libye, tout ça. 22, l'entre-deux-guerres, Mussolini. Donc après, il y a eu des épisodes politiques, mais dans tous les cas, ces militants politiques, lorsqu'ils arrivent à Marseille, il faut qu'ils bouffent. Voilà. Il faut qu'ils bouffent. Ils sont sur les chantiers, ils sont dans les usines. Non, mais justement, la question, c'était si vous aviez par hasard des informations par rapport plutôt à la période du coup des carbonades, donc plutôt fin 19e siècle. Non, pas du tout. Pour avoir un peu bossé sur 1914, parce que j'avais travaillé avec l'association Proméo sur l'antimilitarisme, donc sur la présence de libertaires italiens entre 1905 et 1914. Il n'y a pas grand-chose sur la fin des années, disons sur la fin du siècle, alors que les Italiens politisés anarchistes, travailleurs, anarchistes, qui étaient à Marseille. Ils avaient des publications aussi, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de sources qui ont été perdues, mais il y a quand même beaucoup de choses sur la fin du 19e. C'est quelque chose que je ne connais pas bien. Ouais, vous devriez peut-être poser. Dans la thèse de Bianco, il va entendre des anarchistes italiens. Les travaux de René. Tu connais bien ? Oui, aussi, je connais. Non, mais on ne sait jamais. Je connais Bianco, je connais les amis. C'est fastidieux, mais ce que vous pourriez faire, mais c'est très fastidieux. Prendre l'Antoniol et le dictionnaire biographique et répertorier tous les Italiens de cette génération-là qui sont venus à Marseille. Ouais, et après essayer de les. Bon, après je reconnais que c'est un travail de Romain. Ça, ça va changer du sens, ce que vous dites. Je connais très bien ce que voilà, après, moi, j'ai travaillé comme ça parce qu'au départ, j'ai commencé à collaborer à la version anarchiste du dictionnaire Métron. Ouais. Donc, en fait, j'avais l'habitude de faire des fiches, de classer les gens. Et puis, bon, le collectif, ça fait émerger des personnalités. Mais après, quand on se focalise sur... Et puis, je connais très bien l'équipe qui a bossé sur ce dictionnaire. Ah ouais, c'est super. Et par contre, je pense que même sur Marseille, vous devriez aller les rencontrer parce qu'ils ont de la documentation et surtout de la presse. Ouais. Et d'ailleurs, à propos de la presse, je voulais... peut-être que je vais répondre. Quand vous nous avez montré le document sur les journaux, donc il y avait Paulo Skiki, c'était quand même, c'était une explosion, enfin, c'était pas normal. Ben, c'est pas une explosion, c'est quand même quelqu'un qui est sur une famille d'avocats, donc oui, déjà lui, il n'a pas trop la question de la subsistance à se poser aussi. Oui, bien sûr. Bon, après, je pense qu'il y avait aussi. Il y avait quoi dire. Et donc, juste après, comme il était, je sais qu'il est passé par Marseille aussi, avant, bien avant. Toujours la même période qui m'intéresse, la fin du 19e. Je voulais savoir si jamais vous avez des. C'était vraiment un passage très rapide, en fait, fin 19e aussi. Personnellement, je ne sais pas. Alors, il y a un bouquin qui est paru sur. Qui est un poil à géographique quand même, qui est paru récemment sur Paulo Skiki. Il y a une biographie de Paulo Skiki qui est parue. Si vous me laissez votre adresse, je la retrouve quelque part, je ne sais pas. Ça va. Okay. Je crois que c'est un membre de sa famille, c'est pour ça que c'est peut-être un peu à géographique. Et il y a aussi un ouvrage en italien qui s'appelle, alors là pour le coup on est carrément dans la géographie parce que ça s'appelle La vie rêvée ou La vie angélique. Ah, ça je le connais de Paulo Skiki, par Renato Souvari. Voilà pour le coup, c'est. Je ne savais personnellement, je ne savais pas que Skiki était venu. Avant la fin du 19e siècle. Après, il n'est pas resté longtemps avant 1924, quand il est arrivé en 1924, c'est-à-dire que, compte tenu du bordel qu'il a mis en 6 mois, et de l'agitation qu'il a créée au sein du consulat, de la police et des groupes anarchistes, parce que. Il y a quand même, je crois, à plusieurs reprises, des anarchistes comme Bacconi notamment, qui lui ont mis la main dessus. Ah ouais. Parce qu'il a semé un bordel. Il avait extrêmement mauvais caractère. C'est quelqu'un qui était extrêmement. Qui avait beaucoup de personnalité et qui défendait ses idées. Et malheureusement, quand même aussi, c'est quelqu'un qui a semé beaucoup de troubles aussi, qui n'a pas fait que du bien au mouvement. Mais bon, voilà. Parce que je pense qu'il a alimenté des polémiques un peu inutiles. Et je pense qu'il aurait pu faire différemment. Dernière question, après j'arrête. Donc, vous parlez de Gigi Damian qui est après allé en Tunisie. Et je voulais savoir, vu que je suis au courant du fait qu'un tel Niccolò Converti et un autre Gaetano Grassi, qui était stablement à Marseille dans les années 80 du 19e, en 1887, ont migré en Tunisie. Je voulais savoir si vous êtes au courant, plutôt sinon de, disons, de groupes italiens qui, dans les années qui vous intéressent à vous, se sont installés en Tunisie. Non, je sais que Converti est venu à Marseille, il a fait 2-3 publications, notamment. Je crois que c'est des numéros uniques. L'an passé, on a une jeune Tunisienne qui travaille sur Niccolò Converti, qui va faire une thèse sur. Pourra te donner son contact. Gienne, donc elle est venue, elle est passée. Gienne. Elle a passé 2 mois à fouiller un peu les archives. Je ne sais pas ce que ça donnera son boulot, mais. Mais elle a prévu de revenir aussi. Ouais. Cette année, elle travaille en Italie. Je sais pas du tout. Après, ils ont peut-être. Mais il y a pas mal de sources. Mais il y a pas mal de sources sur la fête. Sur les groupes italiens, je sais pas. Je ne suis jamais vraiment penchée. Il y a pas mal de sources sur la fête. Vous êtes déjà allé aux archives départementales? Après, le mieux, c'est d'identifier des militants et d'aller à l'archive de Chefval et dans le casella de politique. Dans l'armoire. Enfin, c'est plus simple. Non. Et sinon, du coup, Piotr Ouzouane et son entourage avaient une typographie stable à Marseille, vu que ceux du fin du 19e rêvaient de pouvoir installer une typographie à Marseille anarchiste, mais ils n'avaient pas une typographie stablement sur Marseille. Non, je pense que c'est très artisanal. Les bulletins, bulletins, c'est très artisanal. Hein. C'est pas d'une facture. Bon, là, on se rend peut-être pas trop compte. Mais ce qui est curieux, quand même, c'est surtout pour Toulon, mais pour beaucoup d'autres militants de cette époque-là, c'est quand même essentiellement des autodidactes. Beaucoup de gens, ils sont allés à l'école au Grand Max jusqu'en CM2. C'est des gens qui partent de chez eux très jeunes, qui maîtrisent tout juste leur langue d'origine. Parviennent, Toulon, il a vécu en Belgique, donc il a dû se débrouiller avec le flamand, il a 9 ans, il a vécu en France, il parle très bien français, et il écrit plutôt pas mal, j'allais dire, parce que beaucoup de ses lettres, de sa correspondance est écrite en français. Il s'est débrouillé avec l'espagnol, hein, il est resté quand même 2 ans en Espagne. Enfin, pour des gens qui sont autodidactes, je trouve que la relation à l'écrit, elle est très importante. D'abord, évidemment, à cette époque-là, forcément, la correspondance de Toulon, qui est déposée à l'Archivio Pinelli à Milan, c'est énorme. Enfin, moi, j'en ai pas fait le tour, hein, j'ai fait des sondages. D'abord parce que... Et il faut tenir compte du fait aussi que c'est seulement la correspondance après 45, parce que pendant toutes ces années d'exil, il est évident que les lettres que j'ai retrouvées, ce sont des lettres qui ont été interceptées par la police, parce que lui, il déchirait tout, forcément, il ne voulait pas se faire prendre avec les... Et puis, vu le mode de vie qu'il a eu, il n'a rien conservé de ces années-là. Donc là, c'est des archives de ses correspondants que... qui les ont donnés à Milan, comment ils les ont récupérés? Non, en fait, lui, quand il a senti, quand il a commencé à voir qu'il commençait un peu à faiblir, il a fait un don aux archives, c'était un groupe anarchiste, le Ponte de la Ghisolfa. Enfin, il a fait le don de sa bibliothèque et de ses archives. C'était pas le groupe où il y avait Pinelli, ça? Si, si. Ah oui. Ah, c'était le groupe où il y avait Pinel, mais c'est l'archivio Pinel. Donc il a fait don de sa correspondance, mais c'est quelqu'un qui a correspondu avec tout le mouvement anarchiste international aux États-Unis, au Brésil. C'est quelqu'un qui a aussi correspondu avec des gens comme Valiani, qui a été président de la République, essentiellement parce qu'avec Valiani, ils ont traversé clandestinement la Méditerranée à bord d'un bateau pour rejoindre l'Algérie et qui sont allés au Mexique ensemble. Mais je veux dire, c'est quelqu'un qui était quand même... moi, je parle de réseau. Je pense que certains ont un peu graissé des dents lors de ma soutenance. Mais il y a quand même, toute une vie à constituer un réseau. Alors, c'est pas un joli mot. Peut-être qu'il faudrait que je déjà trouve un autre. Mais à constituer un réseau, des connaissances qui lui ont permis. C'est quand même bien parce qu'il a un réseau qu'il est parvenu à obtenir du consul du Mexique. Un visa pour le Mexique. Parce que le consul du Mexique délivrait des visas pour les membres de Justicia y Libertad. Bon, le deal, c'était, on vous délivre un visa et vous, quand les djihadistes arrivent en Afrique du Nord, il faut les gérer et il faut les mettre en relation. Donc là, c'est l'équipe. Les premiers membres du CIRA sont Dino Angeli, Celso Petsichi. Après, il y a son fils, Vertes Perchis, c'est oui, Perchis. Lui, il était plus jeune. Ouais. Edmond Dolelli, je ne sais pas s'il a vécu après dans la région. Ses premiers membres du CIRA sont ces gens qui ont servi de relais en Afrique du Nord pour après les exfiltrations vers le Mexique ou les États-Unis. Alors, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait des imprimeries. Proprement anarchiste, maintenant il y en a qui en existe une qui a publié plusieurs bouquins. L'impatience. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut continuer à discuter autour d'un verre. Et on a casse pas. Attends, Félix, c'est vraiment l'un de nous, ça, l'éditeur? C'est les deux. On est une imprimerie et il y a différentes. On est à la fois distributeur et de maisons d'édition qui sont ailleurs. Et imprimeur. Et imprimeur. Ils impriment tout. Voilà, c'était juste une curiosité personnelle. Je sais en plus qu'il y a eu une période dans laquelle ils ont tenté, ils voulaient à tout prix avoir une typographie anarchiste pour être autonome, parce que ça leur arrivait aussi d'avoir tout qui était prêt pour des journaux, ça, dans les années 80, 90, tout partait à un vrac, ça se dit comme ça, non, je crois. Ça marchait plus, c'est vulgaire, je sais plus. Bon, au mieux un vrac. Ouais, au mieux un vrac, parce que le typographe, il avait peur, parce que les types mettaient une pression, et voilà, et donc il disait à la dernière minute, non, on vous imprime plus ça. Et donc à un moment donné, ils étaient fatigués de ça, ils voulaient être autonomes, mais comme elle disait la madame Morel. Françoise. Madame Morel. C'était très compliqué de. Enfin, de toute façon, comme dans cette période-là, dont on devait parler, il n'y avait jamais d'argent, assez d'argent. Vieille. Moi, on me dit, madame, hein, ça. Je te laisse mon mail après. Je veux bien. Mais par contre, juste, peut-être je te le dis après, il y a Antonioli a recensé les maisons, les typographies. Les imprimeries. Les cases à éditer chez les typographies. Typographie, hein. Typographie, c'est imprimerie, ça. Oui, c'est imprimerie. Ouais. Typographie en français, c'est imprimerie. Ah, voilà, c'est ça. Eh bien, merci encore, et puis on se retrouve autour d'un verre, et puis on attend avec un bouquin. Avec...